Dossier 1. Leçon 1. Activité 8. Aujourd'hui, c'est le jour de la gentillesse et nous recevons Gilles Beauchamp. Un bel exemple de gentil, n'est-ce pas Gilles ? Oui, on me trouve gentil, c'est vrai. Mais il m'est arrivé d'être méchant, à certains moments, avec certaines personnes. Je peux être méchant principalement à cause du stress. Dans ce cas-là, je ne fais plus attention aux autres. Au contraire, quand je suis triste, cela augmente ma gentillesse. Je deviens plus sensible au malheur. En fait, c'est une gentillesse triste. Je la préfère joyeuse. Et vous avez toujours été gentil ? Tout petit, déjà, j'étais gentil. Je n'aimais pas voir les autres souffrir ou être malheureux. Et puis, j'étais timide. Alors, je pratiquais la gentillesse pour qu'on m'aime et parce que je ne savais pas dire non. Et puis, c'était très utile d'être gentil, très efficace pour se faire apprécier et pour se faire aider. Ah oui, je vois. Oui, mais surtout en grandissant, j'ai compris plus clairement encore que la gentillesse était une force. Par exemple, j'ai appris à m'affirmer, dire non, donner mon avis, en restant gentil. S'affirmer et être gentil, c'est tout à fait compatible. Les gens pensent que pour s'affirmer, il faut cesser de l'être. Non. Je le rappelle souvent aux personnes que j'ai en consultation. Ne soyez pas moins gentil, mais plus affirmé. Oui, donc ce sentiment profond, vous en avez fait une priorité, y compris dans votre profession ? Exactement. Depuis que je suis devenu psychologue, la gentillesse est à mes yeux une nécessité absolue, indiscutable. Je m'efforce d'en faire chez moi la règle, l'habitude. Mes malades souffrent en général de dépression. Je leur parle gentiment, doucement, en leur caressant la main ou le front. Je les rassure en leur expliquant comment vont se dérouler les séances avec moi. Ce qui n'est pas très fréquent. Pour résumer, chaque jour, je m'applique à une gentillesse joyeuse. Je suis moins souvent qu'autrefois dans la gentillesse « aimez-moi », mais plus dans la gentillesse « je vous aime et j'aime la vie ». Être gentil me rend heureux et être heureux me rend gentil. C'est formidable, non ? Oui, vraiment. Un grand merci à vous pour ce témoignage.